J'en ai mis du temps à comprendre que je donnais aux autres afin d'être aimée et me refaire une famille. Je me suis épuisée, mais j'en étais la seule responsable. Le jour où j'ai compris qu'à trop aider, j'handicapais. Êtes-vous de ceux qui, comme moi, ont déjà été atteints du syndrome de Mère Teresa? Ce syndrome cache une vérité inconsciente, et c'est exactement de cette réalité dont je veux vous parler aujourd'hui. Je désire aborder ce sujet car j'ai eu besoin de le comprendre afin d'aider réellement en me préservant. Comment dire, je dois faire amende honorable pour toutes ces années à penser que j'aidais pendant qu'en fait, j'handicapais. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai presque honte. Comme si je réalisais que mon âme de pyromane alimentait le feu pour éteindre quelque chose et se sentir plus utile. Bon, j'exagère un peu, mais pourquoi je n'ai pas compris ça avant? Parce qu'on n'en parle pas de cette réalité. Le don de soi, ça paraît bien dans un CV. Mais en fait, cette attitude révèle plus que des qualités de générosité. Elle est souvent nourrie par l'âme du sauveur. Comme on dit, il n'y a pas de médaille assez mince pour n'avoir qu'un seul côté. Oui, je sais, ce syndrome part d'une belle intention, celle de faire le bien autour de soi. Mais en réalité, si l'intention est inconsciente, elle handicape. Nous surinvestir face à nos proches, trop nous impliquer peut se transformer pour soi en perte d'énergie et trop souvent en déception, ayant pour résultat de priver la personne d'une confiance en elle et de renforcer le sentiment profond d'être incapable de trouver ses propres ressources internes. Tout cela inconsciemment, évidemment. J'ai longtemps voulu aider ceux qui m'entouraient comme j'aurais aimé être aidée. Heureusement, lorsque je suis devenue orpheline, je dégageais la jeune fille qui n'avait besoin de personne, ce qui a limité l'accès à ceux qui rêvaient d'en faire plus. Le fait d'envoyer un message contradictoire m'a en quelque sorte aidée et obligée à développer de nouvelles ressources en moi. Le fait d'être confrontée à moi-même m'a permis d'user de créativité afin d'émerger et me solidifier. Certains pourraient me faire remarquer que je me la suis jouée dure, que j'aurais pu y arriver plus facilement. Mais avec le recul, je comprends qu'avec ma tête de mule, ce chemin était nécessaire pour moi. Et je suis persuadée que mes plus grands outils étaient cachés dans cet espace sombre de moi, nulle part ailleurs. Voyons la situation autrement. Si mes tantes et mes amies avaient eu l'espace pour me prendre en main, pour me materner, pour répondre à mes besoins au-delà de leur rôle, jamais je ne me sentirais si confiante aujourd'hui. J'aurais développé non seulement une victimité aiguë, mais aussi je serais devenue dépendante du service des autres. Dans mon parcours, tant de perfection. Je ne pourrais jamais assez remercier mes proches d'avoir cru en moi, plus que moi-même. Ce fut mon moteur inconscient pour cheminer à mon rythme. Il m'a fallu en prendre conscience afin d'aider convenablement non seulement mes proches, mais aussi les clients endeuillés que j'accompagne aujourd'hui. Chaque personne a le droit au choix dans sa vie. Que ce choix soit facile ou non, personne n'a le droit de décider pour quelqu'un la façon dont il doit cheminer et grandir. Chacun détient ce droit de créer sa vie comme il l'entend. Si quelqu'un choisit le chemin d'une dépendance, ou de tout autre comportement saboteur, libre à lui de le faire. De toute façon, on ne peut pas vouloir plus que la personne qu'on aide. Et je vous répète cette fameuse prémisse. On ne change pas pour les autres, on ne change que pour soi-même. Ce serait donc du temps perdu. Qui suis-je pour décider qu'une personne n'aille pas toucher le fond, pour aller y chercher un trésor caché? Qui suis-je pour décider? C'est sa vie. À trop aider, j'éloigne cette personne à chaque fois de son trésor et je remplis mon vide d'impuissance en la rendant inquiète et dépendante de moi. Plus je réponds à ses besoins, plus les muscles d'action avec lesquels elle doit agir s'atrophient. Pendant ce temps, je me surinvestis et je nourris son manque de confiance. Certains pourraient me trouver rigide dans mes pensées. Vous avez raison, il n'y a pas si longtemps, j'étais de cet avis. Si je veux avoir la liberté de gérer ma vie, je dois laisser à l'autre le droit légitime de mener la sienne. Oui, certains prennent des routes rocailleuses, mais qui suis-je pour décider de la route de quelqu'un? Il faut être prêt pour le bonheur. Et s'il manque des outils à saisir dans cette part d'ombre pour mieux retourner à la lumière, qui suis-je pour l'en empêcher? Pour aider, je dois accepter d'être impuissante devant la personne. Je dois me préserver afin de pouvoir être, même à distance, un miroir d'amour et de respect. Je peux lui rappeler que je connais son intelligence et que j'ai confiance en elle, qu'elle saura prendre les ressources nécessaires afin de trouver la meilleure route pour elle. Si on est dans le jugement, c'est un bon indice afin de comprendre qu'une distance est nécessaire. On ne reconnaît pas les vrais amis aux besoins qu'ils comblent chez les autres, mais par leur capacité de demeurer impuissants devant ceux qu'ils aiment, et ce, qu'ils soient en accord ou non. C'est tellement inconfortable l'impuissance qu'il faut réellement aimer pour accepter ce rôle. La tentation demeure toujours présente de trouver la solution, mais on doit se rappeler qu'aimer, c'est aider l'autre à retrouver sa propre confiance, sa propre estime. Et que cela est plus important que mon besoin de me sentir indispensable. Merci à toutes les personnes qui se sont préservées et qui ont continué de m'aimer. Ils m'ont servi de modèle pour apprendre à mieux aimer et à enfin changer pour la personne la plus importante dans mon monde, moi.